بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سورة النوح سورة نوح سربوة مكلا ولا آية 30 ولا مغم سورة نوح مكية وآياتها 30 واحد اثنين ثلاثة ليكوتي اونا ثلاثون بودون 40 لا كوم واحد اثنين ثلاثة 40 موي 40 10 موي واحد اثنين كوم كي numu tuddu bu don xamsa moy 5 mo beugue 50 xam suuna una la ci yow et puis par exemple mec aussi ñom sen monnaie ah bon monnaie la ñoré la lu ñor les dinars real real real et ta de euro bi bo demé dang koy convertir quoi mais ñom euro bi mo gina fort sen xaliss ah mo gën fort kon on est gagnant quoi euro bi mo gina fort sax dollar bi ah wa wa wa Pour l'Islam, il y a un euro qui est un peu fort de dollar. Il y a un inconvénient, un avantage. Si les pays qui exportent comme France ou le pays, il y a un cher qui est. Mais si nous avons des gens, si nous avons des gens qui ont des gens, ils ont des gens qui ont des gens. Mais si nous avons des gens, en tout cas de toute façon lolou du warou la tax économie bu doxul xam nga français dañ ko tan Sarkozy dañ ko don jign euro yi nan mo tax dekk bi doxul mais pourquoi yow bu doxul France Allemagne di doxle waaw ngeen nek de tay yeen ñep même mo na ngeen yor kon ñu xamne problème bi dañ am nga comme ko français yi ñom leg leg ñom télé bi rek lañ ñok sénégalais yi wuté wuñ lu bari hein c'est que ñom dañuy liguey par force ndax système bi nim démé mais ak yewu ñoo gina yewu fouf mais côté bob gaay lañ leen di nax bëgg ñëw politiciens yow problème am nga né euro bi la ta Allemagne mi nga takkalol dëkk ñen yor même monnaie mom commerce ki wam balance commerciale am excédentaire yow ne déficitaire nga bëgg ko ji même monnaie bi ñen yow mais c'est pas logique dañ nan mais taway bu ñu jappé ndof Pourquoi Allemagne ñom d'exporter sen affaire yi di dox ñun manu ñuko ba paré ngén né euro bi la xaliss biñu bokkom ñom ñen non c'est leen benen sen politique la rek pas ça moy euro bi yag na gina fort dollar bi ba légui mo gina fort lool la yenen monnaie yi mom jaru ñoo wax sax kon suratu nuh kon lool moy 30 aya mu ne kon makkiyatun saru makka la aya mi 30 lañ moy fanu ya wala suratu nuh moy nuh bi yonentula turu yonentula de ki yonentiyalla nuh yalla mo nek ni saram la ah way way tuba bina noy noy ah way way way noy way ah mom la yalla ñëk yoon mi ci nit ñi ci yonenti wala way ci yonenti mama adam alayhi salatu wassalam mom wa kërëm la néwoloon mom moy yonenti bu ñëk mais wa kërëm la woon xam nga ñoo ñëm mo leen juroon mam adam alayhi salam mom ñim doon waar ñet ñim doon ñoo mo leen jur ay doomam lañu moy ñi juddu di nekk cheikh ñoo na na ku juddu nekk cheikh bam dess kenn ñoo ñepp mom mo leen jur moy comme ki ñeñ ne papa ji moy yonenti bi moy adina bi mom rek la won ak ay domam mok soxna ak ay domam ku juddu dal mom mu duggal la ci diine ji nonu moy xam nga lolu moy waawa manu ñu ne bokul ak biñu xamé yonenti moy yoni ko ci peuple bo xamne dafa bok ak ñom ñi ay cousin wam ñi ay ki lolu ñi nak lolu lañ amone mo tax mom lañ nan mom moy premier yonent alayhi salatu wassalam yonent yalla nuh passé na nak di wote ci ay ñoñam 950 ans waxuma 600 waxuma 700 ala wax de ay at 900 moy 1000 ans yu manki 50 ans passé nako di wo nit ñi rek ngir ñu dugg ci l'islam est ce que lolu tu te rends quoi non di doon guddu fa 950 ans le dundo lool mo la même Adam alayhi salatu wassalam même chose la ay at yu bari le dundo non yo at yu bari bari lañ doon doon légi mom ki gina mag ay du presque 130 du ko wesso waaw ñu ngi wone bolivien bi bolivien bi kérok ñu nane moy le doyen du monde lu mam 123 xawma 123 da c'est alors ñu wone ko nak mu nane ni di nane ni caméra tay né la waaw ak ay sept di sété mi di ko cherche ñu wone mu tok ni né ni pavé da gis nga li dalal loxo di bay ba 120 égale 20 Voilà, 123 là, mon dieu. Mon mille de 950 ans de water. Lolo, moi, je ne suis pas un homme. Moi, je ne suis pas un homme. Oui, oui. Tabude da xaar yalla dafa xaar subhanahu wa ta'ala comme niñu xamé yonent yalla ñu ci bari ba ñepp ba am 40 ans doora tambalé wote kon oui oui c'est ça oui way presque koku bu milli matulit jage nako yiñ dund ndax du yonent yi alayhi wasallam ñoy xaar ba 40 ans de yonent allah isa alayhi wasallam xaarul 40 ak dundum sax ci baw suuf matul 40 ans 33 ans ay chen waaw ba pare bok ci ñi gën ci ñi yalla bind na djuroom ni yalla dina waaw mom kay wax ji sax fim nek moy entre mom ak yonent yalla nooh bi kan mo gën mais ndax mom yonent bi sallam mo gën ci li yalla bind lepp yonent yalla ibrahim teggu ci mo gën après yonent yalla mo gën ñep après yonent yalla musa mo gën ñep kanta yonent yalla no ak yonent yalla isa ku gën nak fofu la wax jene waaw mais dal ñom ñoo ñi ñoy gën ci li yalla bind mom mi nak ci ñoo ñu la bok da mom mom mo leen jëk ci walu par ñi jëk ñew ci adina non mom mo jëk son non nak vraiment def lim am lepp ngir diine ji mais dal yalla def ne li dal la dogal dogalum yalla won ken manu ci dara wo tel des siècles la wax gaay yi ken dula gem te ku doon genn adina da ngay dajala sax njabot elen nak gis ngeen mang len di moytu gis ngeen pa bi dekk ci feleen le na ngeen mako moytu waxam ji muy wax man mi sama bay lol lama waxon bu muy genn adina lol lama wax bu ko genn faale la ay waxam yi koy nelaw di taxaw la koy taxaw di nelaw bu len ko deglu du wax katul lu amul la limi wax yeb wala meñu yene man nak lol moy sama testament na ngeen xam ni ma len wax après nga di dom jey non lañuy def seut yo ni koy def way koku moy ci gatal yenen te yalla nuh alayhi salatu wassalam awwal rasul mom la yalla jekk yoni alayhi salatu wassalam munakon bismillah ci turu suñu borom la suñu borom di tambale ar-rahman mom mi fess del la yermane ar-rahim ñu xamne yermaneem dafa da ñet yaatuna inna arsalna nuha ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatiyahum adhabun alim inna munun yalla arsalna ñu yundi won nuhan yonent ba ñu nan nuh alayhi salatu wassalam fan lañ ko yoni ci adina bi non ila qaumihi ta ñoñam ta ñoñam yonent yi paray do salatu wassalam dañ leena yoni ci seeni ñoñ bam do sunnatu bi sallam wama arsalnaka illa kafatan linnas yalla ne ko yow muhammad sallallahu alayhi wasallam yonni ma la lul ci ñepp ci nit ñi kenn dessul tous les peuples confondus ci bir message bi la ñepp quoi ñepp alors que ñun voilà motax it moy le dernier c'est logique tamit ouais moy motax mu ne wa yonnati alayhi wasallam dafa melni mom ni mel ak ñom dafa melni ben keur buñ tabax ben palais ñu tabax ko bam rafet mais bo fa rombé balé di rafet na mais dafa am trou bu dess fo xamné wé no gaay nak ils n'ont bien fait leur boulot mais troubé mom buñ ko fatone moné man nak may trou bobu fat bobu ñu fat man may ko ko buñu fat non man moy labina bi voilà lool la moy né mom ñewul fekk fi désert lu dara amul dédé moy ni ñé dañu ligéen xolal 950 ans ko def kay ko manone ki def fi dara mo tax bo ci wéddé kenn comme ko ben bâtiment la mom dañ nan la wéddé nga ñi ñep bo tojé ci mur bi fi nan man ki kaw rafet na ma neex na ma mais fondement yi la yaq nga dem jël ce ki toj ko mais affaire bokoy toj ni wat sa do ko liñ len don wo c'était pas l'islam alors c'est l'islam là parce que c'est Mohammed non qui a fait non l'islam ci mam adam lo joge c'est mam adam yonenti fi jaar ye parle ça islam lañ nekkone te ken na ya ko prophète qui a donc suit mom lañu gëm ci l'islam quoi kan est-ce que bu ñëk waaw nit ñi do yonent yoy topon nañ am nañu ci top ci l'islam bi la waaw amon nañ ki amon nañu ko top dañu bari wol rek ah ouais yonent Allah Ibrahim alayhi salatu amon nañu ko top ku ci nekk rek am nga ñoo mais am nañu xamne kenn topulen yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañu urida alayya al umam yeneena ben hadith la mune dañ ma garal dañ ma exposer xéti fi jaaro néna ma gis ab yonent mom rek mo ñew moy dañ ko yoon ci xétam kenn gëm kenn moy dafa dem woté ba son na fogon na né c'est l'arrivée de prophète qui a fait naître l'islam quoi non l'islam mo tax ñom ku ci nekk débal ci alcorane parce que prophète bu nekk presque di nga dégg mu naan nga def ma julit muy wax yalla di ñaan naan moy yalla def na len ko paré mais da ngay ñaan moy jam lo man di mag jam nga ci sa kanamu borom li yonenta Allah Youssouf wax alayhi salatu wassalam bim waxe ki ba ñaan ba paré biko yalla defale le bëndir ko jabotam ak baye mak yoy dané ta nga bolé ma ci julit ni muslimina la waxul le coran est descendu au moment du prophète Mohammed voilà mais ñom donc tu vois ils priaient pas comme nous là tu vois mais don nañ prier ils avaient deux c'est que l'islam ouais. L'islam xam nga moy lan ouais xolal imaginer avant ya khadija radhiyallahu ta'ala mais julli 5 julli amul won ah oui c'est ce que tu vois c'est là où voilà xam nga 5 julli amul won pour moi l'islam va avec les prières tout non, ça là tu vois lolu moy julli amone les 5 prières ndax xam nga ci biñuy def ajgi ma nga doon wax ne kele num tudati yaay hajara yoy ki non soxna imam ibrahim bam jappé doon musu japp ba paré di muslu ti bour japp kay wa ak tamit bi mu nan ki yonenté allah yaqub bi nekké ci mihrab bi mihrab moy fuñu julé ouais tamit bi yonenté sallam nan ben prêtre ben ki ku bax la won ñam xam ouais ki jifi ñam xam mo sé mo né da doon julli moy ba julli ñun ni ñuy julé dé l'islam julli gi mi julli ni kenn ki xéet yu ren rasul sallam façon julli bi mi julli amul ben xéet ko julé ah ouais c'est ça lool yalla seen jaglé la bum leen défal façon jaamu yalla yi malaaka yi di def ci asaman ci yépp sujood rukoo taxaw lolou lepp la yalla def ci bir julli moy bo julle ben julli malaka yoy li ñi def yépp sa bal yalla ñi ngi julli tout temps ñi julli am na ñoo xamné sujood rek la ñi def am na ñoo xamné malaka yo xamné ba len yalla bindé ba légui ñu gisu jor tay na wa duñu sigi am ñoo xamné ñu ngi rukon duñu sigi wa comme ça am ño xamne sa bal rek impressionnant moy yow xolal bu julli bi bu julle wa malaakai ni ñi def ci xéetu jaamu yalla yeb yalla defal na wala lool nak yalla mo koy lool gëneelu yalla la bu muy jox kuko neex xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam lako jox jox kuko xam xam ko kuko ñak xam moy ñak xam sa valeur nak way way da baax bo nekké julli da ngay xamné motax gaay buñu né nan julli leen ñu melni peste bu lo leen di wowe ñuy daw ñi di ko fonto di julli heure bu leen neex mais xamuñ sen yow lu leen défar nga bëgg ben julli bu ko défé façon jaamu yalla yi malaaka yi def yëm ñom ñu koy def xalaat nga lolu ñaata xol bu la yalla nangulé ben julli yow fo jëm waaw deug la té wal mais koku waxuma la fa ngay dépasser firdausi di waaw mais gaay dañ leen di wax comme que yoy duñu ko xol ñom ni ñu xol rek moy dofa dafa metti di wonu ci contraint alors moy né ñeneen ñi doon nañ julli mo tax mané la yaronnabi sallallahu alayhi wasallam dané Duraïdji la tuddo ben da ñu netali na ben ki yu bokkon ci banu Israël ben way bu tuddon jaamu ko tu yalla bu tuddu Duraïdji radiyallahu ta'ala da doon julli yaayam woko mais julli na fi le doon julli waawa ci xelam mu nan ah yaayam yalla sama julli jek sama yaay mi dima wonan lay def est ce que damay dag sama julli ji wuyu sama yaay wala damay continuer sama julli para continuer mais mona ah mais na continuer mu continuer yaay ji woko falewu ñu mu mer yaay ji mer ñaanal ko ne ñaan ko yalla ne yalla ki yalla bu mu genn adina lulul bala genn adina yalla nga ko wonale moy na am problème ak jigen yi jaay seen bop moy yalla nako ci yalla natto way les prostituées voilà mais légui ben jour mom nak dafa newon ci biti deuk bi moy comme genre jaamu katu yalla ñom dañuy wétu ñom bëru taxaan bi ko nekk fe légui ben jour ay ci après ay ben femme mu ëmb ba paré femme bi dafa ëmb ne gaay wax wa deuk bi dañu ay bour lañ doon ne joray ji mëna li jaay jaamu yalla mom mo jur dom ji mo on no dafa ëmb ba am dom bi mamé dom ñu nako waaw sa dom ji foko jëlé de gisunu la fenn nga mari waaw mo ne joray ji me nek fe di jaay jaamu yalla ngeen wek ko mom la mo ki ya ji ñaanaloon wala voilà mom waaw gis nga ko de lay problème am nak gaay dem nak ci buntu ki ba fekk ko famuy jaamo yalla nak ne ko ye gennal sa jakk ji nga nan da ngay bax bax alors que c'était pas vrai waaw mom mo yi la ñew ni gaay ne ko e gennal sa jakk ji nga nan fekk ko famuy julle ñu xëcc ko e buñu fonto muy bax bax lu ni rek ngeen mel waaw sol mbubu ki li jaay bax ndaje ay bandi ngeen acca gennal fi andi ko xëcc ko gay ne ko e yow ya jur dom ji la wax ki yaw ta ken maye wulen mune lan fam bi nako waw yow yaay bayu ndawsi yaay fa yow yaay bayu sama dom ji he ba gaay am nga nit ñi dañu uppal tak genn nañu ko tag nañ jakam sa preuve quoi waw tag jakka ji sa preuve cherche même pas mom kay teul rek na radio xono tax jekka ji yeb dom ko def ko radioxe lepp ci sase ba pare nar ko ray nak laay gis na legi nak mune mu ñaan yalla ne ñen dal budé mako def budé pour mu atté digënté mak daw nit ñi tok nar ko ray def nit way xam nga rek Mumbai yeek yoy après xalé bi ci bopam mo ne ki du sama baye fess ki juruma ki ma jur moy diiw male ah gis nga xale bi ci bopam legui nak gaay nak am problème nak gaay après ñu nako non ñun nak on est désolé vraiment liñ la def legui sa jakki ji dañ la koy tabaxal ci ay wurus legui dootu xam nga ban la won ak yoy legui dañ mo ne dedet man del lo len mako rek ñu melo lool day wone ni ñom dañ doon julli moy xéet yu mais dañ du loon julle comme non way way c'est ça l'islam mo fi massa nek sauf que ñeneen ñi ay teureline la xam nga buñu ne imaginer nañu walillahi almathalul a'la moy yefi yalla ken du ko tekkele ci lenen mais pour mu gina leer imagine ñu ne la démocratie en France pays laïque la lañ wax mais ñaata président ño fi jaar depuis te gu ñew da ngay changer loi yi indi ay loi yu bé Sarkozy ñaata loi la changer Hollande ñi ñaata lay bëgg changer Chirac ñaata la changer Katchades François Badéon Mitterrand jusqu'à Pompidou De Gaulle ñaata lor lañ ku ñew rek di nga changer pourtant ci lool ñuy changer malgré changement moy téreline yi lañuy changer dougal loi am yu ñu dindi wala renforcer yenn wala yok ay loi mais té lepp ci laïcité gi la bok lool la moy ci la république la bok moy ci l'islam l'islam ni non la moy téreline yi changer da ngay gis loi yo xamné xol avant ki côté permis avant permis à point di am wala même yoyu di am wala limitation de vitesse la tamuy am année 70 la tamuy commencer mais lu way neex daw la won xam nga temps yoyu ken du daw lu ki ñukoy arrêter nan ko ndax li nga daw da bari ndax amul won légui nak après ñu duggal ay loi yu bes yo xamne légui dañuy limiter vitesse pourtant duñu né mais ñu doon def comme les 35 voilà la retraite voilà. 60 c'est la même chose lool nak mok loi yi moy né yonent ya lay du sahata sam ñom ay tereline lañ ci bi mais lepp l'islam c'est que législative bi moy changer bu ki ñëwé dañuy xol ku nekk ak peuple biñ la yoni comme que ay médecin lañ tamit dañuy xol peuple bu nekk médicament bi bax di mom légi ñom ñu accès fofu seen mbir légi nak bu yoonu saxam ñew comme ko ci ñepp légi lañ leen moy manu ñu ñew naan ko li rek ngay moy li ñepp defoon mom ngay bolé légi anglo be yepp andi yu bes yeen ci wara folli ñu folli leen ci loi yoy teurel yu bes yo xamne ño fi nekk ba dina bi tuk mais lepp ci biir l'islam la ta yoonentu bu nekk bu non wax di teejeul ay waxam da naan yalla yalla nga bolé ci julli ni muslim bobu ñu nan muslim nan julit mom lañuy utiliser mot bi même mot bi muslim wa tawaffani musliman yalla nga ma ray li yonent Allah yusuf waxon alayhi salatu yalla nga ma ray def ma musulman moy lan ma womatu top ci yalla sey digal lool moy musulman di motax ñom ñep lepp l'islam la won motax leneen yi ay tereline la yuñ nan chrétien chrétienté bon chrétienté benen affaire la christianisme waaw ñom ak tereline la ci biir l'islam ab li moy doxaline la rek motax moran shar'a lakum min ad-din comme les chrétiens là waaw am nga ñom ñi nga am seen façon nga julli ñom mi ñi julle sam baaxut waaw ndax waaw légui am nga nda ñi ngi def seen en ce moment là ñi ngi préparer seen pèlerinage xam ki lo ko yoyte lool ken da len ko digal dem Jérusalem tout ça yonent Allah Isa da ma sa def pèlerinage seen ci commune ñom do ñi def ma ko wone lay lour de ki c'est que chrétien lool mo tax yonent bi sallam ne ñom dañu rir ndax ñom dañu bëgg jaamu Yalla mais dañ ko tek ci xel moy ñom ñoy créer li ñu japp ne li de war na neex Yalla mais bayil yalla mu teureulal bopam teureulal na len c'est sûr que teureulal na len mais top len ci mais yonent Allah Isa alayhi salatu wassalam même buñ d'accordone de bu ñewate yeen lay andal mais bu ñewate day jangat han mais bu ñewé fi imagine tay mu ñewon mais pape François il faut mu jangal yonent Allah Isa affaire alayhi salatu wassalam moy ne li ñi def xamu ci dara mu ñewon tay mais église li ñi def yeb mom xamoko bu ñewoon mais manugo jide ñu ne ko e xam nga xol ak julli ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bu ñewoon tay bu ñewaton julli jot mais man na jite nit ni waaw wala di mo andi julli ñun ni ñi julle ci mom lañ ko jele moy dañ nan correct demal ci kanam mu jite ni mais yow bu de yaronte bi nga ne mom nga top bu ñewate dang ko wara jangal diine ji ngir mu man leena jite moy ñom dañoo reer ndax ni ñi jaamo yalla dañ ne seenum xel lañ koy tek dañuy xol motax ñu tok ne ñun daal gis nañ ne dañoo wara consacré wu rek ci jaamu yalla yenn prêtre bi légui duñ tak soxna duñ def adina suñu yoon la wu taxatu ci benn monastère sen wa sen quand même c'est wa gis nga ni ñuy jaamu c'est dur quand même motax yalla lool yalla wax bako jaamu quran sar bob lé ñu yem ji bi mi démasquer sen tiaxan yoy yeb nit ñi wa rahbaniyatan ak sen rahbaniya gi moy prêtrisme gi ñek yalla ne ibtadam wa ñom ñoko créé man waxuma len mukk bu ben kenn sey de waxuma len ñom ñoko créé gis nga ko mais fama rawha haqqiyatiha sauf que problème bi moy niñu ko warona ñom ñoo teureulal sen bop ay loi neena mais même prêtrisme gogou sa monté woñu mom respecté wuñu ko ñom niñu ko teureul won né non lañ ko wara respecté yalla neena même lo mais la preuve gaay di len jigni pédophilie chaque jour mais yalla bu la ni seyel ak nit jigen ni na bañ boné go wétal ñu ngi len koy jigni est ce deug la wa en tout cas même pap bi da ko woron nak ñu néwon te kiit wéddi wul voilà mo tax yalla ni ñom ñoko créer da respecté wuñu ko ni ko worona respect ndax dañ ko manul ndax yalla teelul len yalla mi la xam kay bind la xam la ne la défalal ma ni nga ne ko man nak fokk na li mo gën ci yow musiyatan la motax ñom motax yonentou allah sallahu alayhi wasallam khairul maghdubi alayhi wala dallin mune dallin moy chrétien ñom dañu bari wol xam xam dañu rir nak liñu saamu jaamu yalla bo xamne ci xel xol tay bu ma neewon man julit bi comme yalla defal ma ben xewal rek ma contane ak si sama keur sangu ba set timis jot mané ah non tay nak dama becc ci sama borom dama contane way ah non yalla dal mo ba raison pour laquelle nak pour sant ko nak gis nga djuroom ñet timis ñaata la ñu na la ñet nga né man nak pour contane ci yalla bëgg lu ko neex djuroom la koy def ah way way lé ko djulé mbaxna or nga c'est réglementé voilà moy ma contane man né damay def lu neex yalla tax mané ko ñetti julli tay yi mom dama contane way ci lim ma defal man dama lay yokal c'est ça deux rak de plus way way moy man sama xel la ko té xam nga nit bu ko bu la défé lu bu la défalé dara ma bëgg ko sante bu dé ci alal la koy sante bu ma lu muy gëna bari ma gëna dab bané xam wa wa wa ñom nak loolu lañu jappé yalla té yalla du yalla dudul nit ah ñom fofu lañu waaw yu mel non la moy ñom li seen xel dañuy xol né li warna rafet kon yalla li nañ ko def et la bible ça vient d'où wala bible wi mais du ben bible les bible kay ngay wax ah ya plusieurs selon Matthieu ah way way selon Jacques Paul ah way way mais bible te ñiko bind ñep kenn masu jé gis yonent Allah Isa xam nga lolu moy ñëk kawon ni li li li dañ Paul mi ñi fon ko nit ñi fi rom nan Paul mi ñi wax fi bokku lok Paul bu mag ba dé Paul mi masu la gis yonent Allah Isa alayhi salatu wassalam masu ko gis mom né nañ mom lañ denc rom fi mais Paul mom ñuy ki nane la maison de Paul ouais, Pierre ouais. Bok manan ouais. Paul Pierre manan Paul Pierre mom mais Pierre gisul yonent Allah Isa dembe ra ñu ngi woné ci chrétien ñu ngi préparé waaw ñu ngi préparé moy né ndaysan ñom mo tax yonent ki sayyidna Omar radhiyallahu anhu lool gisoon nañ ko ci sourate khashatun ki izazul ki غاشية سورة الغاشية ناس حاملة ناصبة تصلى يا إذا زل نل كمانسيد واي ماي سورة الغاشية رك هل أتاك حديث الغاشية بوبنون قيسون نج بيالنان حاملة أمنا بكتني يا خم الدنيا ودوملين مدوملين تابور تاجي أدينا الدنيا جف جف جف قري تصلى تسافر الله عليهم دوبل بيان قال كي سيدنا عمر رضي الله عنه رم بين بين بين بين بين dafa rombu ben daru sawma ben ki église bu ndaw ben prêtre nek fa monastère ki jaamu yalla mais dafa ñew ba ci buntu bi woko ne ko ya rahib moy le prêtre le momine mu daw fokk ne daw genn ci nak ak ki tak ak sen yi solo rek taxaw legi sayna Omar radhiyallahu anhu bu ko xole rek da koy xol yeureum ko bay joy bu xolé waji rek di joy mais du moment qu'il vive aussi dans l'ignorance lolu nak yalla xam nga lolu tax ñu war lolu moy lolu non moy dara dédommager wul l'ignorance abdul sax l'ignorance xa non chrétien wa ñom chrétien la wax waaw légui lolu da len di pour yaakar nga wa yalla ëllëg waaw mais parce que comme xamuñu won xeyna dañu xamul non mirmidu xamuñu deug ji dé non lima ñak xam ji nekul ne xamuñ ne ki yonent la lol waxuma ko de fi ma nan xamuma xamuñu ñaka xam moy ngay jappé comme ni ma la wax jappé ay mbir yalla ne la defal li nga ne ko man dama la ci yokal lol moy wone ne yow sa grir ñaka xam yalla motax ngay xalaté nonu fofu la waxé seenu grir de mais pas ne xamuñ ne yonent bi sallam yonent la ñom dañ nan yonent même témoin de Jéhovah waaw dañ nan la oy Muhammad wi sallallahu alaihi wasallam mom yonent la ñom dañ la koy wax ha wéddi wuñu ko mais pour arab yi lañ lay bëgg wax moy né dal mom concerné wu voilà ñom moy né ñom réré wuñ fofu motax loolu tax yalla di leen duma ak le fait que sax ngay défal yalla lo xamni digelu lu moy man rir gi ñi wax moy né ñom seen yëp dañ ko tek ci ay genre ni may xalaté rafetal li wana rafet ci yalla ma def ko fofu lañ nane rir mais kanta xamni ci yonentou la ñom xam nañu ko lolu xam legi nak lolu ko xam motax yonentou sallallahu alayhi wasallam ne la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun min hadhihi al-umma thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar neena kenn duma du deg samay wax deg samay me moy deg sama diine ji xamma xamne yonentou la ba pare da gëmuma ci jifi wala ci kré kenn ci jifi wala ci chrétien ci xéet bi ni loolu dina bok ci ñi dem safar loolu moy né ndax moy li ma wax benn mur la yow yenen ta Allah Issa alayhi salam min ne mom lañu gëm bu len fi mais xam nga mom day ñëwaat mais da len di duma daf len waxon né bu ñëwé na ngeen ko top voilà mais mom day ñëwaat de yenen ta Allah Issa day ñëwaat bu ñëwaaté seen chapelle 16 bi da koy rajaxé seen croix né doy rajaxé lolo mbam xux ken do ko fi lé non ken do ko fi lé ay way parce que mo waxal yenen ta bi ñëw bu ñëwé na ngeen ko top waaw c'est ça way légui ñom ñu né esprit la waxon ah tu vois moy le saint esprit bi ñëw na non ya mom le saint esprit la waxone moy ñëwaat ta esprit wa ñu joy wa non dañuy fonto nit ñi nang leen di dégg bi l'autre jour la kenn si ñom di interroger si ñom qui prêtre tu vois mais pourquoi vous dites que tu vois Jésus est le fils de Dieu Dieu n'a pas de fils tu vois ñu né ñom bu ñuy wax fils bi na c'est l'esprit ay dañu jaay philosophe mais xam nga ñu ko expliquer nonu sax dara lu leer moy du leer ndax man da leer dañu wax vous dites le fils de Dieu n'a pas de fils est-ce que xamone chrétien ñom ñep d'accord ñu ci lolu ñu né comme xawma Jésus est lumière parce que Dieu a mis tu vois wala ñu jema jaay scola ci jaay mous moy li jaay ki ne ko ba ñu ko waxe ñom tu vois waaw mais yalla waxul ne yalla ci alquran neewul dañ ne ñom yalla dafa jur dom de yalla alquran da ne waqalu takhadha allah waladan yalla da ne ñom yeer ñom chrétien neenañ yalla dafa adopter dom yalla lool la leen méré waxul leen ne ñom neewul ne yalla moko jur comme ni goor di goor ak jigen di jure ñom dañ ne yalla dafa jappé ki dom lool la leen yalla méré ba ne ñi touti asaman yi tok seen kaw daanu seen kaw ak suuf ci wo lo may waxati ko ne kon da jurun ñom même liñ expliquer dañ nan len waaw yeen li ni la yalla téré sax neewu len da ngeen ne ko wala da dafa wala da jëfu ki de dama jur do waxu non yalla da ne ñom da ne yalla dafa jappé do non ban ko ci yaron ta Allah yi fa lañ tok le ñaan ci da ñom c'est comme leer ta man da leer xam nga wax yo xamne ay tiwul moy mo tax il faut ñu teul ko tiwuri nak way ndax xara xamone chrétien yi lima wax sax ñom ñep d'accorduñ ci ne yonent Allah isa sallam ñu ne yalla da ko jappé doomu yalla la lanahumullah ñom li ñuy wax lool ñep d'accorduñ dafa am ñu wax lool am ñeneen ñu ne deede mom ci bopam yalla la nga ral la non mais am ñoon ci wotu ñu waaw waaw ñoom ci bokk moy comme que ñi ñoo upp légui xam nga catholique yi nek rom ñoo upp motax doctrine bo presque monde wi mais am ñeneen ci ñoom ño xamni ñoo ay julli lañ mu juro dañ né eh moy bimu génné adina lañ defoon ay goor moy pas génné adina sax bi ko yalla yéggalé ndax léw ay saat wa saat ñoom ñeen ñi dañ né moy li ñu wax ñu ci moy bi siiw légui rek chrétien yi doomu yalla di wax lu am yalla le yalla lu bëgg seen wax ju bon légui ñeneen ñi né non ñu mom ci bokkam moy yalla Non, nena ñu xol mais dama daw yoon waay pay da ngay yow lé mais yoon sax da jar da dem dama ci ba ma yolé ko daw ko c'est quoi ça tu vois mais jar da dem yoon yeb c'est pour impressionner dañ top na lé mbir yi gis nga dafa lèr c'est simple mais ñom motax yeen ñenn ñi am ñu ay chrétien yo xamné dañu mujju tuub ndax dañ né julit ñi ñom seen diiné mo gina simple ah wax deug de way mais ñun suñu diiné dafa bari protocole ay di dem ni yéme alors que bo nekké julit heure julit yi xam nga noy kenn du la fondo bo bëggé am xam xam juddu tay nek tubab tay toup tay fi ak 1 mois bo gor gor lo ñi nekkon man nga iliman yi ji ne fi bu re xamul dara man nga koy raw mais ñom c'est impossible prêtre bi ñom ño xam bible bi ño ci wara wax waaw xola def mais mo yam la waxon bu yag lolu ñu ko jël ci rom ndax rom affaireu païen la ay païen la ñu won gëm ñu dara ñom système bobu lañ tégal mais yonenta allah isa da amone clergé tay mi dundo sa dafa amone clergé comme ni ñu nane pape ak yoy amul amul won way amul fen pape amul pape amul mom dafa japp won man yalla mo yoni ci yeen message am la len dox jeexna amul kenn kum nan yeen yene yor sama église non lol amul won mais c'est que niñu ko construire au fil des années dafa muju yow da ngay japp ni li ni lu graw la alors que mirage rek la mais ñom bari woñ xam xam motax li ñi gina nak graw ci ñom xola ay ahmad didat radiyallahu ta'ala rahimahullah ben sud-africain bo mom prêtre la won mu tuup mais nim len di dajé mais oui je crois que modou maslamo waaw ni didat da na 2000 ane 2000 mais prêtre la won ndax xamna mbir yi am na ben fe ben kongolé ben kongolé fani momit ko sax mo gina graw didat fouf mais dalen di damaté waaw ndax c'est fa ni bo ci jogé sincèrement da ngay xamné ni dañ ma don nax clergé fête des jeunesse ñom yeufu refu rumbal ma walé neex ay fête des jeunesse ñep nekk ci plage brésil bi plage yo nga xamné gaay duñ sol dara lu bax pa bané fa di daw le spectacle vie le spectacle lool nak de toute façon mënon buñu mayewul côté sénégalais mo ñuy dal li nek spectacle ñun spectacle rek ta lool yalla dako dana won nit ñi lañu moytu ha moné ñoo alladina takhadhu dinahum la'iban wa lahwan wa gharratuhumul hayatu dunya toujours nit ñi woté dañuy wax né sénégal dañ wax du dekk julit la mais c'est li xew fofu ti wax xew dekk julit la mais diiné spectacle lan xam moy ñi nga xamné dañuy jatte sen diiné fo ak folklore ñun suñu diiné le folklore même gam muy sénégal folklore waaw billah gaay dañuy def mise en scène yu raw comme si yow da ngay dem ba affaire bi da nga na mais affaire bi comme si cinéma nga ñëw waaw deug la dé way c'est ça même légui esprit ba taxaw ñu jox sax yow après do ko ci gis billahi way deug la dé way mais moy né lepp légui dañ ko bëgg moderniser waaw ki duggal ay son fi ñi def ni mais yoyu mo amul ci diiné yalla nak dañé won ñi nga xamné suratul araf moy gaay yi nga xamné dañu japp seen diiné fo ak folklore ñun suñu diiné folklore la gamu magal te buñu fa démé folklore rek waaw deug la ku nek di out moy réutiliser ngir impressionner ni ki mais yoy amul ben jari diine ji waxal li len wax gis nga alcorane bi buñ ko don tari rek mom rek même bañ fe nek di neexal yene neexal yi nga xamne yalla taxu wax ko normal nit ñi seen xol mo koy deg wallahi way deug la de wala wala nga tafsir tafsir bu jaar yow comme ni seen jey di def wa billahi wa way mais nek au lieu nga tafsir normal nga nek fi di wax sa xalaati bop wala jëlu ay duggal ci ay fait divers yu bari bëgg ci régler ay kon wala li yemetti ci société bi en tant que citoyen nga bëgg ko ci jambaas ne ay bi lool lay wax mais waxul lool ya wax ah mais heure bu jonne ay dafa gaw de wa di de xamna kon mi di ñew dañuy def dañuy continuer jar ñu sax dugg ci bir mi kon xamna ñu yemane na wallahu ta'ala a'lam sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.